Salut, comment ça va? Je suis un gros geek. PHP, un ordi pour les sites de rencontres. J'y ai trouvé une meuf qui vit en Afrique. Elle veut déjà m'épouser, mais XML vraiment. Ce sera ma première meuf, mais ex, elle doit le savoir. Je comprends qu'elle veut venir dans un pays comme le nôtre. Je lui donne rendez-vous dans le préféré de mes bars. Elle me dit qu'elle se pointe dans 3 jours sans faute. Je suis un développeur, concepteur de progiciels. Et quand je rentre chez moi, je fais de l'open source. Ma cybervie sociale, je considère qu'elle est belle. J'ai la dernière carte 3D, un écran 28 pouces. Mon cercle d'amis est grand, même si je les ai jamais vus. Que ça soit sur les forums ou bien les sites de cul. Je défie quiconque d'avoir autant de potes. Même si mes mouchoirs remplacent les capotes. La présentation est faite, on s'est roulé des perles. Elle me dit qu'à la fin, je l'emmène chez mes parents. J'ai 2 œufs dans le frigo et je les fais à la coque. Elle voit que je cuisine, c'est très très important. Elle veut aller se laver, je lui file une servlette. Elle me propose de venir, alors je prends mon gant. Je sens qu'elle va se livrer, je prépare ma recette. Je vais y aller software, mais judicieusement. Je suis un développeur, concepteur de progiciels. Et quand je rentre chez moi, je fais de l'open source. Ma cybervie sociale, je considère qu'elle est belle. J'ai la dernière carte 3D, un écran 28 pouces. Mon sac d'amis est grand, même si je les ai jamais vus. Que ce soit sur les forums ou bien les sites de cul. Je défie quiconque d'avoir autant de potes. Même si mes mouchoirs remplacent les capotes. J'organise le mariage avant qu'elle ne se lasse. Petite soirée private, chaque membre est protégé. J'espère que nos enfants hériteront de ma classe. Mais bon là j'y pense plus, une semaine après elle m'a acheté. C'est l'éclipse de mon cœur, mais j'ai une idée. Je retourne sur mon site et trouve une roumaine. Elle me dit qu'on va au parc, mais il faut que je la prévienne. En public je suis statique, mais bon on se void main. Je suis un développeur, concepteur de progiciels. Et quand je rentre chez moi, je fais de l'open source. Ma cybervie sociale, je considère qu'elle est belle. J'ai la dernière carte 3D, un écran 28 pouces. Mon cercle d'amis est grand, même si je les ai jamais vus. Que ce soit sur les forums ou bien les sites de cul. Je défie quiconque d'avoir autant de potes. Même si mes mouchoirs remplacent les capotes. J'étais développeur, concepteur de progiciels. Mais ces fameux vénales m'ont fait perdre mes ailes. Je suis parti au Chili, élever des poulets. La vie 2.0, c'est ce qu'il me fallait.